Et voilà, après ce chic moment de partage et de présentation autour de Cult of Luna, on repart sur la diff classique avec une autre très grosse nouveauté. Corpse Grinder sort un album sous son propre nom, hein, bien sûr le vocaliste de Cannibal Corpse depuis un paquet d'années, un album éponyme. Et qu'est-ce qu'il a de spécifique cet album? Bon, déjà il fait 30 minutes pour 10 titres, hein, c'est ultra radical. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Du death metal américain, bien sûr, de grosses influences Cannibal Corpse, bien sûr, et aussi pas mal d'éléments hardcore très américain. Il y a des titres qui sont très headbreediens d'ailleurs dans le style. On retrouve également pas mal de sonorités death mélo suédois. J'ai trouvé. Donc voilà, un album très qualitatif, qui va clairement à l'essentiel de... Enfin, c'est Corpse Grinder qui nous peint un tableau de tout ce qu'il aime écouter, et surtout tout ce qu'il aime faire. Donc c'est un album vraiment très intéressant, en marge vraiment de ce qu'il peut faire dans Cannibal. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Puis on retrouve même des éléments du tout début de Cannibal, avec ces espèces de passages down tempo proto-slam qui sont vraiment super coolos. On s'écoutera le titre Acid Vat avec bien sûr celui qui est devenu un de ses compères tout récemment, Eric Rutan, jamais très loin dans l'ombre de Cannibal. Et un doublette avec Corpse Grinder Darvaza. Une formation qui nous sort son nouvel effort studio, un projet black mené par un musicien italien qui a notamment été cogné chez Blue Dust North et Gloria Belly, et un autre Zikos venu cette fois de Norvège. Voilà, donc un multi-instrumentiste et un vocaliste. Premier album, 6 titres pour 43 minutes, des morceaux très riches, c'est malsain, c'est intense. Et c'est très chouette au-delà de ça. Corpse Grinder, on a déjà présenté. Darvaza, on s'écoute le titre Moth of the Dragon, extrait de leur nouvel effort studio Ascending into Perdition. Come on, ghost, with the future, and bury any powers. Into the Doublette suivante avec Inclination, parmi les groupes cultes du hardcore strategy venu des États-Unis. Ils nous sortent un petit deux titres en attendant du nouveau matériel studio dans le courant de l'année, un EP, un album, on n'en sait encore trop rien. Glimpse Through the Lens, c'est le nom de ce petit extrait de deux morceaux. On va s'écouter le titre Decision. Spirits of Fire, ensuite, avec extrait de leur nouvel album Embrace the Unknown. Une sortie Frontiers Records. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Spirits of Fire? C'est un all-star band international, porté par la voix de Fabio Lyonnais, bien sûr, vocaliste depuis quelques années de Angra, ex-Rhapsody. Le bassiste Steve DiGiorgio, qu'on ne présente plus. Le guitariste Chris Caffrey, membre de Savatage. Et le batteur Mark Zonger, notamment membre de Fates Warning. Voilà, on est sur un heavy, un petit heavy des familles, légèrement old school, un peu mélo, mais pas trop, un peu rétro, mais pas trop. Voilà, c'est pas la claque de l'année, mais bon, c'est des icos de talent, et ma foi, ça s'écoute très très bien. Spirits of Fire, et on s'écoutera l'extrait Second Chance, c'est parti. We'll be right back. Toujours à l'écoute d'Hellbanger, et ben ça va être l'heure d'attaquer l'aspect française. Elle est pas bien longue ce soir, la faute à super temps qu'on a pris pour présenter un album et puis donner la parole à une personne que l'on apprécie fortement dans l'émission. L'aspect française donc avec tout simplement deux doublettes, la première Archville King et Corrupteur, deux groupes qu'on vous diffuse déjà depuis quelques temps, deux groupes très qualitatifs. Archville King, One Man Band de Black qui nous vient de Nantes, très très très prolifique, une signature Les Acteurs de l'Ombre, texte en français et une musique Black, hein, d'inspiration 90. Voilà, c'est un peu Black médiéval, sans être non plus aussi fort qu'un Auriac ou Sonopfer. Corrupteur, ensuite, tout récent projet, hein, ce qu'on s'amusait à appeler un projet de confinement, du Black Net Death, formé par deux musiciens bien expérimentés de la scène française, avec notamment Ménard de Mutilation qui prête sa voix sur certains morceaux. Premier album studio, donc on est sur un truc assez old school, sombre, evil, et puis bah ma foi, la recette est vraiment très très très chouette, elle est plaisante à écouter. Archville King, Mangez vos morts, extrait de l'album À la ruine. Corrupteur, Horror and Aftermath, extrait de leur album Descent into Madness, c'est parti. Yeah. Et du coup, pour la deuxième deuxième doublette et donc la clôture de l'aspect française, Altarossa et Dysmorphectomy One Man Band de Brutal Slam Death qui nous vient de Rennes. Dysmorphectomy, du coup, le groupe emmené par Anthony. Troisième album studio. C'est toujours gras, dégoulinant, et quand on sait que c'est un seul type derrière, on se dit que bah, putain, le travail il est vraiment énorme et le rendu est super cool. Ce nouvel effort de Dysmorphectomy s'intitule The Last Hateful Bastard, une sortie en autoprod, et dans la foulée, Altarossa. Altarossa, donc récente formation qui a vu le jour du côté de Besançon, formée par des membres de Orksh et Aside From A Day. Un premier album entre post-hardcore et sludge, assez court, 7 titres pour 30 minutes, un contenu lourd, sombre, oppressant, et bon, forcément on peut faire le rapprochement avec Cult of Luna, mais c'est pas aussi intense à notre humble avis. Altarossa, Void of an Era, on s'écoute le titre Orbiting, et juste avant ça, Dysmorphectomy, le morceau Sacrificial Mutilation, c'est parti. Hey! Doublette suivante avec une excellente découverte pour ma part, il s'agit de la formation Venator. C'est un groupe de revival heavy qui nous vient d'Autriche, de Heavy, Heavy Speed. Après un EP et un split, premier album studio longue durée, c'est ultra old school, et cependant, ça ne pue pas la naphtaline. Voilà, ça baigne à fond dans les années 80, de la prod à la pochette, et ça reste vraiment très direct et très très bien fait, c'est hyper fougueux comme album. Ça s'écoute, enfin je l'ai pas mal écouté cette semaine et ça passe vraiment très très bien. Et ensuite Pure Wrath, One Man Band qui nous vient d'Indonésie, c'est une autre nouveauté pour ce soir. Il sort du coup son troisième album studio, un groupe qui est toujours signé chez DB Mur Morty. 6 titres pardon, pour 45 minutes d'un black metal assez classieux et bien exécuté. C'est épique, mélodique, il y a un petit peu de clavier pour rajouter quelques petites nappes vraiment coolos avec le chant clair. Voilà, Pure Wrath, une autre sortie bien qualitative signée DB Mur. Venator tout d'abord, Echoes from the Gutter, on s'écoute à l'été The Rising. Pure Wrath ensuite, en direct d'Indonésie, Hymn to the Woeful Earths, on s'écoute à le titre Year of Silent. That is not death, which can eternal lie, and with strange aeons, even death may die. Away from your eyes, the dreams are- Dernière doublette pour ce soir, mais c'est pas encore la clôture de l'émission, parce que s'écoutera un groupe tout seul ensuite. Schizophrenia, tout d'abord, pour ouvrir cette dernière doublette. Schizophrenia, qu'est-ce qu'on peut dire ? Groupe de thrash death qui nous vient de Belgique. Thrash death vraiment à la sauce old school et ultra frontale, ce qu'on est situé entre un Demolition Hammer, les vieux Sadus et autres Sepultura. C'est pas bas du front non plus en étant stupide et répétitif, hein, parce que les compos sont assez travaillés, ce qui rend le groupe encore plus intéressant et clairement le niveau est bien élevé. Et au passage, le batteur de la formation nous venu de Belgique et est également connu chez Butcher et Skeletal. Voilà, Schizophrenia, une excellente découverte il y a quelques semaines. Et en doublette avec Schizophrenia, Sanhedrin, trio ricain de Heavy, emmené par une bassiste chanteuse. Ils sortent là leur troisième album, une sortie qui est... Les précédents étaient sortis chez Cruz del Sur Music, on vous les avait bien sûr diffusés. Et là, le groupe est maintenant signé chez Metal Blade, donc le groupe a fait un bon up dans sa visibilité. Un Heavy plutôt school, légèrement doomisant, et ça rock bien quand il faut, une recette classique et bien solide pour Sanhedrin. Schizophrenia, le titre Inside the Walls of Madness, extrait de l'album Recollection of the Insane. Sanhedrin, le morceau Lost at Sea, extrait de leur troisième et nouvel effort studio Lights On. C'est parti. Fuck! Adversary, c'est le groupe qui va clôturer cette émission un peu spéciale aujourd'hui. Adversary, c'est un groupe de hardcore influencé Blackening Death qui nous vient de Hollande. None Will Mourn, c'est le nom de leur nouvelle EP. Adversary, musicalement, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est ultra, ultra violent et bien bien sombre, un petit peu d'inspiration Lifesick. Et à côté de ça, on a un chant très proche de ce que peut nous proposer Matty dans Nesty. Voilà, musicalement, c'est vraiment ultra coolos. Le chant est bien grave et bien vénère par-dessus. Et on s'écoutera le morceau Retaliate. Enfin, pour moi, c'est un des tout meilleurs titres de ce nouvel EP. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et à dimanche prochain, ce sera pour une émission en direct cette fois. Ciao, ciao.